Lettre à mon juge, de Georges Simenon. France Culture et la Comédie Française présentent Lettre à mon juge, de Georges Simenon. Adaptation, Pierre Assouline. Deuxième épisode. Charles Alavoine, le narrateur, a tué. Il écrit à son juge, le seul homme qui, selon lui, est en mesure de comprendre les motifs profonds de son acte. Après avoir détaillé sa vie à la campagne, son premier mariage avec Jeanne et sa mort en couche, il évoque Armande, une femme belle et naturellement distinguée qu'il rencontre au moment de son installation à La Roche-sur-Yon. Connaissez-vous La Roche-sur-Yon, ne serait-ce que pour y être passé ? Nous nous y sommes installés au mois de mai. Ma mère, mes deux filles et moi, dans une maison presque neuve, séparée d'une rue calme, par une pelouse et par des ifs taillés. Un serrurier est venu visser à la grille une jolie plaque de cuivre portant mon nom, la mention « médecine générale » et mes heures de consultation. Tout s'est fort bien passé. J'étais content. Nos vieux meubles ne s'harmonisaient guère avec la maison, mais cela nous donnait, à maman et à moi, des sujets de conversation, car nous discutions soirée après soirée de ce que nous achèterions au fur et à mesure des rentrées d'argent. Je connaissais mes confrères avant de m'installer, mais comme un petit médecin de campagne connaît les médecins du chef-lieu. Il fallait les inviter chez nous. Tous mes amis me disaient que c'était indispensable. Armande accompagnait un de mes confrères, un laryngologue qui s'était donné pour tâche de la distraire, car elle était veuve depuis un an environ. La plupart de mes amis, à La Roche-sur-Yon, se relayaient pour la sortir et lui changer les idées. Elle parlait peu. Par contre, elle regardait. Elle voyait tout, surtout ce qu'elle n'aurait pas dû voir. Et un léger sourire flottait alors sur ses lèvres. C'est à cause de sa présence, de ce vague sourire qui errait sur son visage, que j'ai eu soudain conscience du vide de notre maison, et nos quelques meubles, placés un peu au petit bonheur, m'ont paru ridicules. Nos voix me donnaient l'impression de se heurter à tous les murs comme dans des pièces inhabitées. Il y a eu une désagréable histoire de sandwich au saumon fumé qui était vraiment trop salé. Comme nous n'en avons pas mangé, ma mère ni moi, nous n'avons rien su le soir même, heureusement. Mais le lendemain, ma mère a retrouvé je ne sais combien de ces sandwichs que les invités avaient laissés discrètement tomber derrière les rideaux et les meubles. Pendant plusieurs jours, je me suis demandé si Armande en avait pris. Je n'étais pas amoureux d'elle. Je ne croyais pas la chose possible. Son souvenir, simplement, m'exaspérait. Et je lui en voulais de m'avoir fait sentir ma gaucherie, sinon ma vulgarité. Et justement de me l'avoir fait sentir avec cet air bienveillant. Quelques jours plus tard, chez un autre médecin, à un bridge, je me suis retrouvé à la même table qu'elle. Comment vont vos petites filles ? Car j'ai appris que vous aviez deux adorables petites filles. On lui avait parlé de moi. Elles vont très bien. J'en étais gêné. Je me demandais ce qu'on avait pu lui dire. Ce n'était plus une jeune fille. Elle avait 30 ans. Elle avait été mariée. Elle possédait de la vie beaucoup plus d'expérience que moi, qui était légèrement son aînée. Et cela se sentait dans ses moindres paroles, dans ses attitudes, dans son regard. J'avais l'impression qu'elle me prenait un peu sous sa protection. Elle me défendit d'ailleurs ce soir-là. Ah oui, vous avez eu de la chance. Vous aviez oublié que le 10 de pique était passé. Mais non, grand Jean. Le docteur savait fort bien ce qu'il faisait. La preuve, c'est qu'au coup précédent, il s'est défaussé d'un cœur, ce qu'il n'aurait pas fait autrement. C'était faux. Elle le savait et je savais. Et je savais qu'elle savait. Comprenez-vous ce que cela signifiait ? À quelque temps de là, alors que nous ne nous étions pas rencontrés plus de 4 fois, ma fille aînée, Anne-Marie, a attrapé la diphtérie. Je ne voulais pas la mettre à l'hôpital, lequel, à cette époque-là, n'était pas tenu à mon goût. Il n'y avait pas de lit disponible dans les cliniques privées. J'ai décidé d'isoler Anne-Marie à la maison. Et comme je ne me fiais pas à moi-même pour la soigner, j'ai fait appel à mon ami le laryngologue. Ce qu'il faudrait trouver avant tout, c'est une infirmière. Tout à l'heure, je passerai quelques coups de téléphone, mais je doute de réussir. Oui, avec la diphtérie qui règne dans tout le département, il n'est même pas aisé de se procurer du sérum. Il est impossible, en tout cas, que votre maman continue à soigner la malade et à s'occuper de la plus jeune. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais je m'en occuperai. Comptez sur moi, mon vieux. Voilà comment, mon juge, Armand est entré dans la maison, un petit sac de voyage à la main. Son premier soin a été de revêtir une blouse blanche et de cacher ses cheveux blonds sous un fichu de voile. Il ne faudra plus, madame, sous aucun prétexte, que vous entriez dans cette chambre. Vous savez qu'il y va de la santé de votre seconde petite fille. J'ai apporté un réchaud électrique et tout le nécessaire. J'ai retrouvé quelques minutes plus tard maman en larmes dans le corridor, près de la cuisine. Qu'est-ce que tu as ? Je n'ai rien. Anne-Marie sera très bien soignée. Oui. D'Ambois affirme qu'elle n'est pas en danger. Et il ne le dirait pas s'il avait le moindre doute. Je sais. Mais pourquoi pleures-tu ? Je ne pleure pas. Pauvre maman. Elle savait bien, elle, que ce qui venait d'entrer dans la maison, c'était une volonté plus forte que la sienne, devant laquelle, dès le premier jour, elle était obligée de s'effacer. Cela s'est passé la seconde nuit. Sans doute est-elle frappée à la porte, mais elle n'a pas attendu de réponse. Sans tourner le commutateur mural, et comme si la chambre lui était familière, elle a allumé la lampe de chevet. J'ai eu vaguement conscience qu'on me touchait l'épaule. Quand j'ai ouvert les yeux, elle était assise au bord de mon lit, en blouse blanche, son voile sur la tête. Ne vous inquiétez pas, Charles. J'ai simplement besoin de vous parler. Elle n'avait pas de robe sous sa blouse d'infirmière, seulement son linge, de sorte que, par endroits, le tissu était comme gonflé par la chair. Anne-Marie n'est pas plus mal. Ne craignez rien. J'aurais donné gros pour me passer un peigne dans les cheveux, pour me laver les dents. Force m'était de rester sous la couverture à cause de mon pyjama froissé. Il m'est arrivé de soigner un cas semblable à celui d'Anne-Marie, la fille d'une de nos voisines. Cela vous explique que je m'y connaisse un peu. En outre, nous avions beaucoup d'amis médecins, mon mari et moi. Nous avons passé des soirées à discuter avec eux. La plupart des professeurs que j'ai connus ont, en matière de sérum, une idée différente de celle du docteur d'Ambois. Vous pouvez évidemment lui téléphoner. Je me demande si ça ne serait pas plus simple et moins vexant pour lui que vous preniez sur vous de faire une nouvelle injection de sérum. C'était très grave. Il s'agissait de ma fille. Il s'agissait d'autre part d'un confrère, d'une lourde responsabilité professionnelle. Venez la voir. La chambre de ma fille, c'était déjà son domaine qu'elle avait organisé à sa guise. Pourquoi cela se sentait-il dès qu'on y pénétrait ? Et pourquoi, malgré l'odeur de la maladie et des remèdes, était-ce son odeur à elle qui me frappait alors que le lit de camp n'était pas défait ? Lisez ce passage. Presque tous les grands patrons sont du même avis. Cette nuit-là, mon juge, je me demande si je n'ai pas eu vraiment l'âme d'un criminel. J'ai cédé. J'ai fait ce qu'elle avait décidé que je ferais. Non parce que j'y croyais, non à cause des textes qu'on me donnait à lire. J'ai cédé parce qu'elle le voulait. J'allais écrire, mon juge, que ce que je viens de vous raconter, c'est toute l'histoire de mon mariage. Elle est entrée chez nous sans que je le demande, sans que je le désire. Le second jour, c'était elle qui prenait ou qui me faisait prendre les décisions capitales. Ce que je veux essayer de vous faire comprendre, mon juge, c'est qu'elle est entrée chez nous le plus naturellement du monde et que, le plus naturellement du monde aussi, elle y est restée. Dès les premiers jours, mes amis prenaient l'habitude de me demander « Comment va Armande ?» Et cela leur paraissait normal qu'elle fût chez moi, que ce fût auprès de moi qu'on s'informât de sa santé. Après 15 jours, comme la maladie suivait son cours, on disait avec la même simplicité qui impliquait néanmoins tant de choses « C'est une femme étonnante !» Quand nous nous sommes mariés, 6 mois plus tard, il y avait longtemps qu'elle régnait sur la maison, sur la famille, et pour un peu, les gens de la ville, parlant de moi, auraient dit, non pas « c'est le docteur à l'avoine », mais « c'est le futur mari de Madame Armande ». Ai-je le droit de prétendre que je ne l'ai pas voulu ? J'étais consentant. Tout d'abord, il y avait mes 2 filles. Ma mère commençait à se faire vieille et, refusant de l'admettre, trottait du matin au soir, s'usant à la tâche. Allons, que je sois absolument sincère. Sinon, mon juge, ce n'est pas la peine de vous écrire. Je vais vous résumer en 2 mots mon état d'esprit d'alors. Primo, lâcheté. Secondo, vanité. Lâcheté parce que je n'avais pas le courage de dire non. Tout le monde était contre moi. Tout le monde, par une sorte d'accord tacite, poussait à ce mariage. Or, cette femme si étonnante, je ne la désirais pas. Je ne désirais pas particulièrement Jeanne non plus, ma première femme, mais à cette époque-là, j'étais jeune. Je me mariais pour me marier. Je ne savais pas en l'épousant qu'elle laisserait une bonne part de moi-même inassouvie et que je serais tourmenté toute ma vie par le désir de la tromper. Avec Armande, je le savais. Je fais tous mes efforts, vous le voyez, pour serrer la vérité d'aussi près que possible. Je ne me rends pas moins compte de mon impuissance. Tout ce que je viens de dire est vrai et faux. Et pourtant, des soirs et des soirs, en cherchant le sommeil, étendu de tout mon long dans le même lit qu'Armande, je me suis posé la question, je me suis demandé pourquoi elle était là. Je me demande maintenant, mon juge, et c'est plus grave si, après m'avoir lu, il ne vous arrivera pas de vous poser la question, non plus en ce qui me concerne, mais en ce qui vous concerne. Je l'ai épousée. Et après, le soir même, elle dormait dans mon lit. Le soir même, j'ai fait l'amour. Très mal, pour elle comme pour moi, gêné de me sentir suant. Je sue très facilement, de me sentir gauche et inexpérimenté. Savez-vous ce qui m'a été le plus difficile ? De l'embrasser sur la bouche, à cause de son sourire. Car elle garde jour et nuit un sourire identique, qui est son expression naturelle. Or, il n'est pas facile d'embrasser un sourire comme celui-là. Vous ne connaissez pas la maison. Tout le monde vous dira que c'est devenu une des plus agréables demeures de La Roche-sur-Yon. Même nos rares meubles qui sont restés ont pris une figure tellement nouvelle que ma mère et moi les reconnaissons à peine. Eh bien, pour moi, cela a toujours été sa maison. On y mange bien, mais c'est sa cuisine. Tout ce qu'a fait, tout ce que fait, que fera Armande est très bien. Comprenez-vous ce que cela a de désespérant ? Elle ne s'est pas présentée à la barre des témoins en épouse éplorée ou haineuse. Elle ne s'est pas mise en deuil. Elle n'a pas appelé sur moi à la vindicte publique, pas plus d'ailleurs, qu'elle n'a fait appel à la pitié. Elle était simple et calme. Elle était elle-même, sereine. Je n'ai rien à dire de cette femme. Je l'ai reçue 3 ou 4 fois à la maison, mais je la connaissais peu. Sans haine, a-t-on eu soin de souligner dans les journaux, presque sans amertume, et avec quelle dignité ? Tenez, mon juge, je crois que je viens de trouver le mot sans le vouloir. Armande est digne, elle est la dignité même. Et maintenant, essayez de vous imaginer pendant 10 années en tête-à-tête quotidien avec la dignité, essayez de vous voir dans un lit avec la dignité. Pendant des années, je ne sais pas au juste combien, 5 ou 6, je pense, j'ai marché dans la ville comme tout le monde. Je crois que, à celui qui m'aurait demandé si j'étais heureux, j'aurais distraitement répondu oui. Je ne peux même pas situer la chose à un an près. Disons qu'il y a eu un moment, tout simplement, où j'ai commencé à regarder autour de moi avec d'autres yeux, et j'ai vu une ville qui me semblait étrangère, une jolie ville, bien nette, bien claire, bien propre, une ville où tout le monde me saluait avec affabilité. J'ai commencé à regarder aussi ma maison et je me suis demandé pourquoi c'était ma maison avec cette plaque à l'entrée qui portait mon nom. J'ai regardé Armande et j'ai dû me répéter qu'elle était ma femme. Pourquoi ? Et ces 2 fillettes qui m'appelaient papa. Nous recevions souvent de bons amis qui avaient leurs jours, leurs habitudes, leurs manies, leurs fauteuils. Et je les observais avec un certain effroi en me disant « qu'est-ce que j'ai à voir avec eux ?» Alors un désir vague m'a pénétré peu à peu, tellement vague que je ne sais pas comment en parler. Il me manquait quelque chose et j'ignorais quoi. Je haussais les épaules, un peu de découragement, peut-être à cause d'Armande, qui ne me laissait pas assez la bride sur le cou. J'ai décidé cela un jour. Et dès lors, c'est Armande et elle seule, ou à peu près, qui a résumé la ville trop calme, la maison trop harmonieuse, la famille, le travail, tout ce qu'il y avait de trop quotidien dans mon existence. Voilà, mon juge, ce que j'ai compris récemment. Armande, petit à petit, à son insu, a pris à mes yeux la figure du destin. Et révoltée contre ce destin, c'est contre elle que je me suis révolté. En fait, ce sont les premiers mots, mon juge, que Martine m'a adressés. C'est la première fois, en les écrivant, que cela me frappe. Vous ne trouvez pas que c'est extraordinaire? Vous savez à quelle heure il y a un autre train, vous? À 10h12. Oh. Il ne reste qu'à porter les bagages à la consigne en attendant. Je n'étais pas trop sûr que c'était à moi qu'elle s'adressait. Je l'ai suivie machinalement. Elle ne m'y invitait pas à proprement parler. Je ne pouvais pas l'aider à porter ses valises, car j'étais moi-même suffisamment chargé. Vous êtes de La Roche-sur-Yon, vous? Oui. Vous connaissez Monsieur Boquet? Des galeries? Oui. Il est propriétaire d'un grand magasin. Je le connais, c'est un client. Ah! Elle m'a regardé curieusement et elle devait se demander ce que je vendais. Elle a ouvert son sac pour prendre une cigarette et l'allumer. Sa façon de tenir sa cigarette m'a frappé. Je suis incapable de dire pourquoi. Elle a eu un frisson. C'était en décembre, mon juge. Il y a un peu moins d'un an. Une semaine avant les fêtes, ce qui explique tous mes paquets. J'étais allé à Nantes pour conduire un malade qui devait être opéré d'urgence. J'avais fait le voyage dans l'ambulance, c'est pourquoi je n'avais pas ma voiture. Maintenant, je me trouvais dans le hall de la gare à côté d'une femme que je ne connaissais pas, que je n'avais pas encore dévisagée. Il n'y avait que nous deux en face de la consigne, au milieu d'un vaste espace vide. Je remarquais qu'elle avait froid, qu'elle portait un petit tailleur sombre, très élégant, mais trop léger pour la saison. Elle était coiffée d'un curieux chapeau minuscule, sorte de fleur de satin plantée très en avant sur la tête. Je vais boire quelque chose de chaud pour me réchauffer. Au buffet? Non, il n'y aura rien de bon au buffet. Je crois que j'ai aperçu un bar américain pas loin d'ici. Vous ne connaissez pas Nantes? J'y suis arrivée ce matin. Vous allez pour longtemps à La Roche? Peut-être pour des années, peut-être pour toujours. Cela dépendra de votre ami, Monsieur Boquet. Tout naturellement, nous avons traversé la place sous l'ondée, nous garant des voitures, courbant les épaules, pressant le pas. Je ne connaissais pas le bar vers lequel elle m'entraînait et qui était nouveau. Une salle étroite et peu éclairée, aux boiseries sombres, au comptoir flanqué de hauts tabourets. Ce genre d'établissement n'existait pas encore en province au temps de mes études. C'est et là. Je ne m'y suis jamais tout à fait habitué. Vous savez ? Un rose, barman. Eh bien, pareil. Très bien. J'aurais préféré, mon juge, ne pas avoir à parler d'elle telle que je l'ai vue ce soir-là. Mais alors vous ne comprendriez pas et ma lettre deviendrait inutile. C'est difficile. Je vous assure. Surtout maintenant. N'est-ce pas, Martine, que c'est difficile? Parce que, voyez-vous, c'était un petit être tellement banal. Elle était déjà juchée sur un des tabourets, et on l'y sentait à l'aise. Elle en avait l'habitude. Cela faisait partie, avec le décor plus ou moins luxueux, de l'idée qu'elle se faisait de la vie. La cigarette aussi. La première à peine finie, elle en allumait une autre et s'adressait au barman en fermant à moitié les yeux à cause de la fumée. J'ai toujours eu horreur des femmes qui fument en faisant des grimaces. Pas trop de gin pour moi. Elle réclamait des olives. Elle grignotait un clou de girofle. Elle venait à peine de refermer son sac qu'elle l'ouvrait à nouveau pour y prendre son poudrier et son bâton de rouge. Je n'ai jamais vu une femme manier un bâton de rouge sans penser malgré moi au sexe d'un chien en chaleur. Elle vivait pour qu'on la regarde. Elle devait se croire très jolie. Elle le croyait. J'allais oublier qu'elle me l'a déclaré elle-même un peu plus tard. Est-ce que votre ami Boquet est le genre d'homme qui couche avec leur secrétaire? Je ne l'ai rencontré qu'une fois par hasard et je n'ai pas eu le temps de lui poser la question. Je ne sais pas ce que je lui ai répondu. C'était tellement stupide. Elle n'attendait d'ailleurs pas de réponse. Je me demande ce que tous les hommes ont à me courir après. Ce n'est pas que je sois belle, hein, car je ne le suis pas. Cela doit tenir à une sorte de charme. Un charme en tout cas qui n'agissait pas sur moi. Elle était maigre et je n'aime pas les maigres. Elle était très brune et ma préférence va aux femmes blondes. Elle ressemblait enfin à une couverture de journal illustré. C'est bien, La Roche? Vous voyez le genre de question. Pas mal. On s'y ennuie? Si on veut. Ce qui peut être énervant, ce vieux-là. Lequel? Dans le coin, à gauche. Il y a 10 minutes qu'il n'arrête pas de me sourire. Je finirai par lui flanquer mon verre à la figure. Nous ferions peut-être mieux d'aller dîner. Un taxi passait. Je l'ai arrêté, nous nous sommes trouvés tous les deux dans l'ombre humide, sur la banquette du fond. J'ai noté tout à coup que c'était la première fois que j'étais ainsi dans un taxi, le soir, avec une inconnue. Je voyais vaguement la tache laiteuse de son visage, la pointe rouge de sa cigarette, les deux fuseaux de ses jambes gainés de soie claire. Je sentais l'odeur de sa cigarette, de ses vêtements et de ses cheveux mouillés. Si émotion il y a eu, et c'est bien vague, c'est à cause de cette odeur de cheveux mouillés. Je ne sais pas si nous aurons de la place à cette heure-ci, mais c'est chez Francis que nous avons la chance de manger le mieux. On ne va pas chez Francis pour se nourrir, mais pour un dîner fin. Avec le chevreuil au mori, il a fallu prendre un vieux Bourgogne, puis on nous a servi la fine maison dans des verres à dégustation. Elle parlait sans répit, elle parlait d'elle, des gens qu'elle connaissait, qui, comme par hasard, étaient tous des personnages importants. Je connaissais son prénom, Martine. Je savais ainsi qu'elle avait rencontré Raoul Boquet par hasard dans un bar à Paris. Raoul est un pilier de bar. Et qu'à 1h du matin, il l'avait engagée comme secrétaire. Je pense que ça vient de là, l'idée de vivre dans une petite ville de province m'a séduite. Le croyez-vous? Comprenez-vous ça? Quant à votre ami, je l'ai prévenu que je ne coucherai pas avec lui. À 3h du matin, mon juge, c'est moi qui ai couché avec elle. Furieusement même. Si furieusement qu'elle ne pouvait s'empêcher, parfois, de me lancer à la dérobée un regard où il n'y avait pas seulement de la curiosité et de l'étonnement, mais un véritable effroi. Je ne sais ce qui m'est arrivé. Jamais je ne m'étais déchaîné de la sorte. Vous venez de voir combien bêtement nous avions fait connaissance, et le reste s'est passé plus bêtement encore. Il y a eu certainement un moment, peut-être plusieurs, où j'ai été ivre. Par exemple, je ne retrouve qu'un souvenir confus de notre départ de chez Francis. Nous avons marché. C'est moi qui exigeais de déambuler sous la pluie. Elle marchait mal à cause de ses talons très hauts et elle se raccrochait à mon bras. Je ne sais pas s'il existe encore, mais il y avait un petit bistrot dans ce quartier, tenu par une très grosse femme. Ce n'est pas très loin d'ici. Je m'obstinais à le retrouver. Nous pataugions dans le mouillé qui faisait flaque. Et quand nous sommes entrés, enfin, les épaules luisantes de pluie, dans un petit café qui était peut-être celui que je cherchais, mais qui en était peut-être un autre. L'horloge réclame, au-dessus du comptoir de zinc, marquait 10h15. Elle est en retard de 5 minutes. Qu'est-ce que tu vas dire à Armand? C'était « Lettre à mon juge » de Georges Simenon. Épisode 2. Adaptation de Pierre Assouline avec les comédiens de la Comédie Française. Retrouvez l'intégralité du générique sur franceculture.fr. À suivre demain.